إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Aujourd'hui on va prendre notre dernier dersin inshallah. On va clôturer cette série de cours en complétant les dernières mafasid, conséquences que l'auteur a citées. Comme on l'a dit dans le dersin précédent, beaucoup d'entre elles se répètent, donc on va les passer. D'accord, on va les passer. Et les prochaines sont beaucoup, surtout des titres. Il ne cite pas forcément le dalil, tellement cette chose est évidente. Non. Faqala, rahmallahu ta'ala. Ou hafidhallahu ta'ala. Ayajouz, on dit rahmallahu ta'ala, même pas en vivant. M'affiché, lakin là, c'était un sabak lisan. Je voulais dire hafidhallahu ta'ala. Qala, al-mafsada al-thamanun. 80e conséquence. Fihi al-i'tiraf bi'ayad al-kuffar ka'id al-milad. والكريسماس وعيد الحب وغيرها من الأعياد المبنية على معتقدات فاسدة وآراء كاسدة. Donc là il dit ça amène à reconnaître les fêtes des mécréants, comme par exemple le jour de l'an ou Noël ou la fête la Saint-Valentin, comme il dit, la fête de l'amour, et tout autre parmi ces choses qui ont été bâties sur des croyances erronées et des mauvaises coutumes. Ouais, la preuve de cela c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme on dit un Anas, qu'il est venu à Medina, et il voyait les gens qui étaient en train de faire, qu'ils avaient deux jours durant lesquels ils jouaient. Faqala alayhi ma hadhan yawman, il les interrogea, qu'est-ce que sont ces deux jours? Qalu kunna nal'abu fihima fil jahiliya. Ils ont dit, ce sont deux jours durant lesquels on se distrayait pendant la jahiliya. C'est-à-dire l'époque de la jahiliya. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah qad abdalakum bihima khayrun minhuma, yawm al-adha wa yawm al-fitr. Que Allah vous a remplacé ces deux jours-là par meilleurs qu'eux. Qui sont Yom al-Adha, c'est-à-dire le jour du Eid al-Akbar, le jour où on égorge, on fait le sacrifice, ou Yom al-Fitr, qui est le jour du Eid après le Ramadan. Et le hadith apporté par Abu Dawud. Donc ce hadith montre que les ayats des musulmans, c'est les deux principales, ce sont celles du Eid, les deux Eid. C'est tout. Et certains rentrent le Jumu'ah comme étant un Eid, yani hebdomadaire. Et d'autres qui rentrent dedans, Arafat et les Ayyam al-Tashriq qui suivent les Yom al-Eid et l'Adha. Sinon, les deux principaux sont ces deux-là. On n'a pas d'autres fêtes. On n'a pas fêté les autres fêtes. Cela n'est pas dans nos coutumes et on n'a pas ressemblé aux koufars dans leur mœurs et dans leurs habitudes. Et d'ailleurs, je précise que la fête de la Saint-Valentin, à la base, ce n'est même pas une fête chrétienne, c'est une fête qui a été mélangée avec les légendes grecques. Dans lequel d'ailleurs le symbole c'est le Cupidon, comme il l'appelle, le dieu de l'amour, je crois. Ils ont donné l'apparence d'un petit ange avec un arc et une flèche. D'ailleurs, la dernière fois, quand j'ai parlé des anges, j'avais cité ce qu'on appelle les chérubins, les bébés avec des ailes. Mais lorsqu'il y a de l'ange qui a l'arc et la flèche, je me suis trompé. En fait, ça c'est lui, là, c'est Cupidon qui lance une flèche dans le cœur de la personne pour que tombe amoureuse d'une autre personne. Ça c'est pas dans ce que les chrétiens, c'est pas dans leur livre ou quoi, ou dans leur croyance, mais ça a été mélangé par la suite. Mais la base de ce Cupidon avec son arc, ça vient chez les Grecs, ça. Wallahu ta'ala alam. Ba'da hada, qala, fi al-mafsada, al-thani wa thamanin, qui est la 82e conséquence. Ainsi que la, 82e conséquence. Cela amène à agréer justement toute forme de bid'a, d'innovation, car les gens du livre vont apporter de nouvelles adorations dans notre religion, si jamais on les accepte, on les considère comme étant nos frères et comme étant des croyants. Donc cela a été cité auparavant. Après, cite également que dans la 83e, Tayyib Sar, ça a déjà été cité auparavant. Arabia wa Thamanun, qui est la 84e mafsada, conséquence. Fi jawaz siyam al aysurat kana. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire le siyam comme on veut. On n'aura plus de limite du fajr jusqu'au coucher du soleil qui est le maghreb. Et d'ailleurs, les gens du livre, il fut rapporté que parmi leurs siyam, c'était le fait qu'ils ne parlaient pas toute la journée. Ils se privaient de parler toute la journée. Donc, c'est-à-dire que leur siyam va être valide et il sera permis aux muslims de faire comme eux. Voilà, musta'an. Al khamis wa thamanun, 85e conséquence. في عدم تفريق بين قراءات القرآن وبين قراءات التوراة والإنجيل المحرفين. Cela amène à ne pas différencier, c'est-à-dire qu'il sera permis également de réciter le Coran bien évidemment. Et en plus, la Torah et l'Injil. Il n'y aura pas de différence, car à la base, cette récitation du Coran, c'est une adoration en soi. Elle a des règles, elle a pas de récompense. Cela va amener à ce que, également, on applique le même jugement sur leurs livres qui ont été altérés. Quand Allah s'adit sur Famanoun, 86e conséquence. Alors là, on l'avait cité auparavant qu'on ne différencie pas entre leur nourriture et les nôtres dans le sacrifice. Car leurs sacrifices nous sont permis à condition, à la base, qui nomme le nom d'Allah dessus. Thumma qala as-sabi'u wa thamanun. 87e conséquence. Ça va amener à pouvoir jurer par leur divinité. Donc Isa, alayhi salam. Même et Uzair pour les juifs. Voilà le Musta'an. Qala thamin wa thamanun. 88e conséquence. Celle-là, on va la passer. Qala ta'asir wa thamanun. 89e conséquence. On l'avait cité également auparavant dans le dernier précédent, c'est que cela va annuler la hijra. Je pensais que l'auteur l'avait oublié, en fait il l'a mise. Alhamdulillah. Naam. At-tis'oun, 90e conséquence. Jawaz et-tajnis, ou tajannus, bi-jinsiyat al-yahoud al-nasara. Cela va amener à permettre de prendre la nationalité des pays chrétiens et juifs. Et à la base, cela n'est pas permis, car cela rentre dans l'alliance avec eux. Et les ulama en parlent. Il citait d'ailleurs une photo de Fawzan qui dit que cela n'est pas permis de prendre la nationalité des pays de mécréants, qu'ils soient juifs, chrétiens ou autres. On n'a pas le droit de le faire. Maintenant, si on l'a de nous-mêmes sans l'avoir demandé, comme ceux qui sont nés dans les pays de Kouf, ça c'est autre chose. Mais ceux qui en ont deux, une de l'islam et une de pays de Kouf, il faut qu'ils se séparent de celle de pays de Kouf et qu'ils n'utilisent que celle de l'islam. Ça rentre dans le mawala, l'alliance avec eux. Et ça te met sous leurs règles et sous leurs lois également. On avait dit qu'à la base, le kafir ne peut avoir autorité sur le musulman. Donc en utilisant le passeport d'un pays qui ne soit pas de l'islam, alors que tu as un passeport d'un pays d'islam, cela te met sur l'autorité d'un kafir. Et cela n'est pas permis. Qala, ouais, sans compter le bon nombre de problèmes que ça peut te coûter quand tu es muhajir ou autre, tu reviens à ces gens-là. Al-Hadi wa Tis'un, 91e conséquence. Le fait de pouvoir juger selon leurs lois à eux et leurs tribunaux. Naam. Et cela revient au jugement du Tarout, on l'avait cité auparavant. Athani wa Tis'un, 92e. Cela, comme a qu'Allah jawaz rukun ilayhim ma'an Allah yaqul wa la tarkanu lilazina zalamu. Le fait de pouvoir se baser sur eux, compter sur eux, alors qu'Allah Zawajel a dit, et ne comptez pas ou ne vous reposez pas, ne revenez pas sur ceux qui ont été injustes. Donc cela n'est pas permis. Après, il y a des cas de, comme vous savez, de nécessité vitale, dans lesquels les règles changent, mais là on part sur la base. Quand Allah est salif wa tisoun, Allah, jusqu'à Tayyib, celle-là on va les passer. On passe directement à Al-Sadis wa Tisoun, qui est 96e conséquence. Ah, celle-là aussi également, on l'avait cité auparavant. Ça revient au fait que cela s'oppose au Tawhid. Le Shi'i répète certaines masa'il. Allez, wa qala famine wa tisoun, 98e conséquence. Fihi al-mukharafa al-saliha li tawhid al-asma wa sifat, haythu wa hum yusammuna Allah bil ab wal ibn wa ruh al qudus wa ghayr dhalika. Cela va amener à nommer Allah par autre que ses noms. Car vous le savez que Mathalan, eux, ils l'appellent le Père, les chrétiens, El Ab. Également, ils l'appellent Dieu. Et lorsqu'on prend le mot Dieu en tant que Isma'alem, comme un nom propre, comme on dit, cela n'est pas permis. Si c'est pour traduire le mot Ilah, d'accord, cela est permis. Ah, mais le fait d'en faire un Isma'alem, comme Allah Azawajel, sans compter tout ce qui va avec, cela n'est pas permis. Allah Azawajel, on l'appelle Allah, ou par ses plus beaux prénoms, on l'appelle pas Dieu. Tout comme il n'est pas permis de faire un dua et de dire « Oh Dieu, donne-moi ». Tu dis, même si tu parles pas l'arabe, tu dis « Oh Allah ». Tout le monde peut dire « Allah ». Il n'y a aucune difficulté à dire « Allah Azawajel ». Donc le nom Dieu, en lui-même, n'est pas des noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et cela n'est pas permis. Cela rend le tahrif. Donc eux, ils l'appellent le Père, comme vous le savez, d'accord, et ils le divisent en trois. ثم قال الواحد بعد المئة 101e conséquence. قال يلزم منه دخولهم في الشفاعة في أهل الكبائر والشفاعة في دخولهم الجنة وهذا مما يعلم خلافه لعقيدة المسلمين. Cela va amener à ce qu'ils soient concernés par l'intercession parmi les gens des grands péchés ainsi que l'intercession pour entrer au paradis. Et il est certain que cela s'oppose à la croyance des musulmans. Et on l'avait déjà évoqué auparavant. La shafa'a. D'accord, la shafa'a, Ça veut dire qu'il sera permis d'intercéder pour un juif ou un chrétien pour qu'il rentre au paradis, qu'il sorte du feu. Et cela est impossible. Qala thamin ba'd al-mi'a, 102e. Qala fihi jawaz at-tafdil bayna lughatihim wa bayna al-arabiyyah jawaz al-tahadduth bi lughatihim bighayr haja. Ma'ana al-shaykh al-islam wa ghayruhu ya'ud dhalika min an-nifaq. Donc il dit dans la 102e conséquence, cela va amener la permission, il voit même de préférer de parler avec leur langue que de parler en arabe pour ceux qui sont arabophones. Et cela sans besoin. S'il y a un besoin, il est permis d'employer des langues étrangères, non arabes. D'accord, cela est permis. Mais quand il n'a pas de besoin, Cheikh Al-Islam et d'autres ulama disent que cela rentre dans le nifaq. Ça veut dire que tu es munafiq, ça veut dire que tu es une forme d'amour pour eux. Et ça, c'est une chose sur laquelle on a beaucoup de taksir, beaucoup de négligence à notre époque, pour ceux qui sont arabophones et qui parlent en français entre eux. Et je suis le premier concerné. Et c'est souvent par fainéantise, malheureusement. À la bab takasul. Non pas qu'on aime la langue française ou la langue anglaise pour les frères ou ainsi de suite. D'ailleurs, quand des gens qui ne sont pas français, qui parlent arabe, nous parlons français, on n'aime pas ça. Voilà, on n'aime pas ça. Ou autre, les frères américains, quand des yéménites viennent les voir et veulent parler anglais avec eux, les frères, ils n'aiment pas ça. Ça les énerve. Mais entre nous, bien évidemment, on se laisse aller, malheureusement. Et on parle en français, ou ils parlent en américain, ou ils parlent leur langue, parce qu'ils ont été habitués à cela, parce que c'est facile, vous savez, en arabe, faut réfléchir, faut attention au nahou, alors quand tu parles ta langue, c'est fluide, c'est du direct. Et malheureusement, ça c'est une erreur. Donc là-dessus, si quand les gens voient des gens comme nous faire agir de la sorte, ce n'est pas un exemple à suivre, malheureusement. Nasallahu yafu anna. Wa nastaghfiru. Thumma qala fi. Alors on passe à la 104e. Qala al-khamis ba'd al-mi'a. 105e conséquence. Fi muhawalat ta'til qadar illah al-kawni fi kawn an-nas la yazalun mukhtalifin. Cela va amener à vouloir remettre en question, remettre en compte le destin d'Allah, c'est-à-dire le destin, la volonté universelle. Que Allah Azzawajal a voulu que les gens divergent entre eux, comme a dit Ta'ala. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ. Que dans le sens où Allah a dit que si Allah avait voulu, il aurait fait des gens une seule et même communauté. Et ne cessons d'être en division, hormis ceux à qui Allah aura fait miséricorde, et c'est pour cela qu'il les a créés. C'est-à-dire qu'Allah, il a créé des gens pour aller en enfer. C'est une chose qu'il a décrétée. Et des gens pour aller et qui iront au paradis. Donc en voulant nous unir avec ces gens-là, on veut remettre en question et remettre en compte ce que Allah a décrété. Que ces gens-là sont des gens du feu. D'accord? Et que Allah a voulu qu'on diverge d'eux. Qu'on se sépare d'eux. Et nous venons de s'assembler entre nous. Donc ça, c'est une chose qui est immense également. C'est un grand problème. Donc voilà. Après, si t'as la 106e conséquence, mais également, elle revient à ce qui était auparavant. Donc là, c'est le Khulasa de tout ce qu'on avait cité. En tout, on a cité 106 et nous, on a dû en citer, je ne sais pas combien, je ne les ai pas énumérés. Peut-être 90 ou 80, ou 85 par là, beaucoup on les a passés, du fait qu'elles se répétaient. Donc là, beaucoup de gens qui appellent à cette idéologie, qui est Taqarrub al-Adyan, ne réalisent pas tout cela. Et parmi eux, certains le réalisent. Celui qui est ignorant, faut lui enseigner, il faut lui faire la remarque, dit, Akhi, tu sais quand tu dis cela, ça veut dire telle et telle chose, telle et telle chose. D'accord? Bien qu'à la base, le musulman, qu'il est le Coran, se rend compte. Mais c'est vrai qu'il y a des versets, Allah Azza wa Jal, c'est les gens du livre comme étant des croyants. Donc, faut leur expliquer. En premier lieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et cela revient au Bab al-Muhkam al-Mutashabihat. Qu'il y a des versets qui sont clairs. Qui disent clairement que les gens du livre sont des mécréants. Ou laïka musharul baliya. Ceux-là sont parmi les pires de la création. Donc, ces versets-là sont les versets vers lesquels on revient qui sont clairs. Et les autres versets, ce seraient des versets, on va dire, tashabur, qui seraient des versets à équivoque. Donc les versets équivoques, c'est une règle qu'on a chez les gens de la sunna, on les ramène vers les versets qui sont effectifs, qui sont clairs, murkama. Et la personne qui en réalité veut le bien, se dira, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla, là il dit que les gens du livre sont dans le feu, et dans un verset il dit que, et parmi eux il y a des croyants. Et là on leur explique. Mais en réalité, la fitra, le tawhid, c'est que ces gens-là sont des koufars, de toute façon. Toute personne qui connaît les pieds de la foi, qui sait pourquoi Allah nous a créés, et qui connaît l'histoire, il le sait en lui. Mais des fois, une ambiguïté peut rentrer. Naam, peut rentrer. Mais à la base, c'est que celui qui appelle à cette idéologie-là, d'accord, c'est un mécréant. À dire qu'on doit unir entre les religions et que les juifs et les chrétiens sont nos frères, sont les croyants, celui qui dit cela, c'est un mécréant. D'accord? هذا هو الحكم الأصلي فيه. Après, il se peut qu'il ait une choubouette, il a besoin de Iqamat al-Hujjah. Pour qu'on lui explique. Mais la plupart de ceux que tu vois qui sont en avant, qui appellent à cela, généralement ils savent tout cela. Là, on parle souvent de cas de jeunes convertis ou de jeunes repentis qui ne savent pas. D'accord ? Ah, mais quelqu'un qui a un temps dans la religion, tout simplement il le sait. C'est des choses qui sont acquises. Et celui qui n'a pas appris, on craint pour lui pire que cela. Parmi les nawaqid de l'islam, il y a al-i'rad, at-tam. Celui qui s'est totalement détourné de la religion, qui ni ne l'apprend, ni ne l'applique, ni ne s'allie pour elle, ni ne se désavoue pour elle, ni ne dément Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ni ne le croit. C'est comme s'il n'était pas concerné, en fait. Et cela est un relatif de l'islam. C'est-à-dire, moi, je suis musulman, mais tout cela, ça ne m'intéresse pas. Eh bien, pour cette attitude qu'il aura adoptée, cela pourra le sortir de l'islam. Wal'a'adhu billah. Donc là, c'était, alhamdoulilah, c'est quelques doses que nous avons pris, de façon résumée. Je les ai fait un peu plus longues d'habitude, car ce sont des points importants, je ne voulais pas m'attarder. وهكذا فنسأل الله أن يجزي شيخنا عبد الحميد الحجوري خيرا عن الإسلام والمسلم خيرا لهذا التأليف المفيد والمهم في بابه ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك